tu ris, quand tu pleures, quand plus rien ne compte à tes yeux. C'est la vie, n'aie pas peur, rien au monde est plus fort que nous deux. Qui a dit que les fleurs ne poussent que près de chez eux? Là, ils diront que c'est mieux qu'on se quitte là, mon amour. La raison vaudrait mieux qu'on se laisse, mais mon amour, je me souviens encore quand tu me disais Ya Habibi, Ya Habibi. On se disait pour la vie, j'ai juré, t'as promis Ya Habibi. Là, quand je pleure, quand je crie, je sais que tu es là. Je me perds dans le lit quand toi tu n'y es pas. On m'a dit prends le pli, mais je ne pense qu'à toi. Là, dans mon cœur, ça fait mal. Je ne fais qu'y penser quand mes yeux font des larmes, quand les choses m'ont blessé. Je me souviens encore quand tu me disais Ya Habibi. On se disait pour la vie, j'ai juré, t'as promis, Ya Habibi.